Chapitre 110. Retour à la ville natale. André et Julien obtiennent le titre de français. La tombe de Michel Wolden. Le souvenir de ceux qui nous furent chers est dans la vie comme un encouragement à faire le bien. Après une semaine de fatigue, on arriva enfin en Alsace-Lorraine. On quitta le bateau à quelques kilomètres de Phalsbourg. Nos voyageurs transportèrent leurs malles et s'installèrent dans une auberge à bon marché qu'ils connaissaient. Puis l'oncle Franz, usant de ses droits de tuteur auprès des autorités allemandes, s'empressa de déclarer, pour ses neveux et pour lui-même, leur résolution de rester français et d'habiter en France. Comme ils étaient en règle pour toutes les formalités nécessaires, acte en fut dressé sans obstacle. Alors l'oncle Franz et les deux enfants se sentirent tout émus d'être enfin arrivés au but qu'ils avaient poursuivi avec tant d'énergie et de persévérance. Ils songèrent à la France. Ils étaient heureux de lui appartenir et d'avoir une patrie. Et cependant, il ne restait plus devant eux rien d'autre chose, ni maison, ni ville, où l'on pût s'installer et vivre tranquille. Désormais, il faudrait travailler sans relâche pour gagner le pain quotidien, jusqu'à ce qu'on eût enfin un foyer. Une maison à soi, comme disait le petit Julien. Mais ces trois âmes courageuses ne s'en effrayaient pas. Le devoir d'abord, disait l'oncle Franz, le reste ensuite. Julien et André, le cœur gros de souvenirs, suivaient avec émotion les rues de la ville natale. On passa devant la petite maison où Julien et André étaient nés, où leur mère ou leur père étaient morts. Chemin faisant, on rencontrait des visages amis, de vieilles connaissances qui vous souhaitaient la bienvenue, comme Maître Hetman, l'ancien patron d'André. Après la maison paternelle, la première où se rendirent les enfants fut celle de l'instituteur, qu'ils avaient instruit, et auquel ils voulaient exprimer leur reconnaissance. L'instituteur découvrit dans un coin de son jardin quelques fleurs en avance sur le printemps, et Julien fit un gros bouquet de ravenelles d'or et de pervenches bleues. Puis nos trois amis, dans une même pensée, se dirigèrent vers le petit cimetière de Phalsbourg. Le soleil allait bientôt se coucher en pourprant l'horizon lorsqu'on arriva près de la tombe de Michel Wolden. On s'agenouilla devant la petite croix en fer qu'André avait lui-même forgée autrefois et placée sur la tombe de son père. Puis on y déposa le bouquet de Julien. Alors, de ces trois cœurs remplis de tendresse et de regrets, s'éleva intérieurement une prière. L'oncle Franz, immobile sur le gazon funèbre, repassait en son âme les souvenirs de sa jeunesse. Il songeait aux belles années passées en compagnie de ce frère qui dormait, son dernier sommeil au milieu des vieux parents, sur la terre natale devenue une terre étrangère. Il lui jurait en son cœur d'être le père de ces deux orphelins. Quant à André et à Julien, ils avaient les yeux pleins de larmes. « Père, murmurait-il, nous avons rempli ton vœu. Nous sommes enfin les enfants de la France. Bénis tes fils une dernière fois. Père, père, notre cœur est resté tout plein de tes enseignements. Nous tâcherons d'être, comme tu le voulais, dignes de la patrie. Et pour cela, nous aimerons par-dessus toute chose le bien, la justice, tout ce qui est grand, tout ce qui est généreux, tout ce qui doit faire que la patrie française ne saurait périr. »